éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, j'aimerais parler d'une Lorraine qui fut un peu trop oubliée par l'histoire à mon goût. Son nom, c'est Marie Marvin. Cette femme, née à Aurillac en 1875, mais Lorraine d'adoption et de cœur, fut sans doute l'une des figures les plus audacieuses, visionnaires et polyvalentes de son époque. Marie Marvin grandit à Nancy dans une Lorraine encore marquée par la perte de l'Alsace-Moselle après 1870. Elle veut vite faire honneur à cette région qui l'a accueillie en essayant de la représenter au mieux qu'elle puisse. Une légende urbaine raconte même que Marie Marvin fut la première femme à tenter le Tour de France en 1908. Refusée par les organisateurs parce qu'elle était une femme, elle aurait décidé de le faire hors compétition, seule, sur les mêmes routes que les hommes. Elle aurait terminé chaque étape, prouvant ainsi une endurance hors du commun, si l'on en croit les récits qui ont traversé le temps. Et ce n'était qu'un début, elle était championne en ski, natation, alpinisme, escrime, équitation et patinage. À une époque où les femmes devaient rester au salon, elles préféraient gravir les sommets, monter à cheval et traverser Paris à la nage. Mais ce n'était pas tout ce que Marie Marvin savait faire. En 1910, elle devient la troisième femme au monde à obtenir son brevet de pilote d'avion. Très tôt, elle comprend que l'aviation peut sauver des vies. Elle invente le concept d'avion sanitaire, l'ancêtre de l'hélicoptère médical et des évacuations aériennes modernes. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Marie veut aussi y participer. Elle veut s'engager au front, mais elle se fera encore refuser en raison de son sexe. Alors, elle se déguise en homme pour combattre. Malheureusement, elle se fit vite découvrir, comme une certaine princesse Disney du nom de Mulan. Inlassable, elle trouve une autre voie pour aider durant cette période. Elle deviendra infirmière, conductrice d'ambulance et surtout, elle sera la pionnière de l'aviation sanitaire militaire. Malgré ses exploits, elle mit du temps à obtenir la considération qu'elle méritait. Elle reçut tout de même plus de 34 décorations, dont la Légion d'honneur, mais sans jamais obtenir la notoriété qu'on aurait pu lui donner. Quand elle meurt à Nancy en 1963, à 88 ans, elle laisse derrière elle une œuvre immense mais trop souvent effacée de nos manuels scolaires. Marie Marvin, c'était avant tout une Lorraine de caractère, sportive, inventive et incapable de renoncer.